Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Superfail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Superfail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Superfail. Avoir la tête comme un compteur à gaz, ça n'est pas très agréable, mais désormais il y a pire, avoir la tête comme un compteur électrique intelligent, autrement dit avoir la tête comme Linky. Elisabeth Chenet, vous êtes journaliste. À que choisir? Il y a aujourd'hui 25% des Français qui sont mécontents de leur compteur Linky. Enedis a installé beaucoup de compteurs Linky, 5 millions sur tout le territoire, et au début, Linky, c'était ça. Pour accompagner la transition énergétique et anticiper sur les nouvelles habitudes des consommateurs d'énergie, Enedis a créé le compteur Linky. Voilà, ça sera votre nouveau compteur. Les fils installés dans nos domiciles, à travers lesquels passe le courant qui alimente nos appareils électriques, serviront également à faire circuler les informations vers le compteur Linky. C'est la technologie dite du CPL. Je comprends pas très bien. Courant porteur en ligne. Aucune onde électromagnétique n'est donc émise dans les foyers. Alors quand quelque chose est trop intelligent, et Linky est intelligent, bah, parfois trop intelligent, ça ne fonctionne pas. Par exemple, vous êtes rendu compte au travers de cette enquête, Elisabeth Chenet, que ce compteur, il disjoncte à tout bout de champ. On a en moyenne 10-11% des gens qui ont des problèmes de compteur qui disjonctent, mais quand on a des abonnements en 3 kVA, c'est-à-dire les petites puissances, ça monte à 23%. Et les gens n'ont pas plus d'appareils, n'utilisent alors pas pourquoi, plus leurs appareils. Avant ça se passait bien, qu'est-ce qui se passe avec Linky qui ne se produisait pas avant? Alors avant, on pouvait régler le disjoncteur et finalement consommer un peu plus que sa puissance. Avec Linky, c'est impossible. Donc, il est moins tolérant que ne l'était un certain nombre d'installations. Et puis, on a aussi des installateurs qui ne posent pas bien les compteurs. Enfin, il faut savoir quand même que c'est une pose vraiment à marche forcée. Enedis a décidé d'en installer 35 millions en quelques années. Et on forme les gens à toute vitesse, voilà. En un mois, on devient électricien. Puisqu'en fait, les électriciens de métier, c'est trop mal payé pour que ça les intéresse. Donc, ce sont des gens qu'on forme. Il y a énormément de défauts de câblage. Les installateurs pètent les plombs, quoi. Les installateurs ne sont pas tous compétents. Et en plus, Enedis donne des mots d'ordre très contradictoires. Si vous voulez, moi j'ai rencontré des responsables techniques chez Enedis. Ils me disent très clairement, quand on fait une coupure de courant abrupte, moi je dirais sauvage, c'est-à-dire qu'on coupe tout sans avoir pris aucune précaution, bon ben, on peut avoir des appareils qui ne redémarreront pas, on peut avoir des composants électroniques fragiles qui grillent, enfin on peut avoir un tas de problèmes. On a aussi des lampes tactiles qui s'allument n'importe quand, Elisabeth. Une lampe tactile, en fait, c'est une lampe pour laquelle vous n'avez aucun interrupteur à manipuler, voilà. Vous l'effleurez et elle va éclairer. Et il se trouve que beaucoup de gens qui ont des lampes tactiles et qui sont équipés d'un compteur Linky ont des lampes qui sont devenues complètement folles, qui vont s'allumer en pleine nuit, en plein jour, etc. Et alors comment explique-t-on cela? Alors Enedis a d'abord dit, c'est le problème des lampes qui n'étaient pas sur leur bonne bande de fréquence. Et puis Enedis, depuis peu, a quand même évolué en faisant des analyses, etc. Et Enedis reconnaît ce problème. Mais c'est pas pour autant qu'il le résout spontanément, si vous voulez. Bon, il constate en tout cas que ce problème existe. C'est en fait le seul problème qu'Enedis admet. On va continuer à évoquer les autres problèmes que vous avez constatés, Elisabeth Chenet. On a par exemple des box internet qui ne marchent plus ou qui connaissent en tout cas beaucoup de bugs. La raison, c'est pas le CPL de Linky, là. C'est le fait qu'il y ait une coupure de courant sauvage. Le CPL, c'est le courant. C'est le courant, voilà. Et donc la box s'est désynchronisée, elle ne s'est pas bien réinitialisée. Mais ça, si vous voulez, si Enedis avait dit aux résidents, vous coupez votre box proprement, etc., on n'aurait pas ce problème-là. C'est la même chose pour les téléviseurs qui ne répondent plus vraiment. Oui, c'est ça, ou alors des téléviseurs qui se mettent en route tout seuls. Et ça, on explique ça comment? Enedis dit, c'est pas nous. Problème de désynchronisation, de même que les chauffe-eau électriques qui ne fonctionnent plus. Alors pourtant, un chauffe-eau, c'est quelque peu moins compliqué qu'une box internet. C'est pas compliqué, mais si vous voulez, le chauffe-eau électrique, il marche en option hors pleine, hors creuse. Et quand votre installateur, il n'a pas bien contacté l'hors pleine, hors creuse, il ne marche plus. Donc il faut le passer en marche forcée, c'est-à-dire que les gens nous disent, moi je suis passé en heure pleine, donc vous avez une facture qui explose évidemment, voilà. Et on a un tas de problèmes. Alors donc ça, faire du chaud c'est compliqué, faire du froid aussi, on a des gens qui avaient un congélateur qui marchait parfaitement et il n'est pas reparti après l'installation du nouveau compteur, on explique ça comment ? Parce qu'on ne l'a pas éteint correctement et donc le moteur a flanché. Mais Enedis ne reconnaît jamais, jamais sa responsabilité. Il y a des phénomènes qui touchent au paranormal. Alors, ce n'est pas des poltergeists, mais ce sont par exemple les volets roulants qui ne remontent plus. Ah oui, qui restent obstinément ouverts ou obstinément fermés. Et alors là, on a Enedis qui m'a répondu. C'est un problème qu'on commence à identifier comme pouvant provenir du compteur. Et alors ça, ça vient de quoi ? Alors c'est en fait qu'un problème de fréquence qui est identique. Et donc là, il faut changer le système avec des modules radio, etc. Mais si vous voulez, vous avez un tas de gens qui ont ce problème et Enedis ne l'a pas pris en charge à ce jour. On a des cas, et là c'est beaucoup moins rigolo, de stimulateurs cardiaques qui ont des problèmes avec Linky. Expliquez-nous pourquoi. Alors, les stimulateurs cardiaques, les porteurs, et on peut le comprendre, ont très peur, et pour une raison simple, c'est qu'on leur a dit surtout n'utilisez pas de plaque à induction, parce que la plaque à induction émet des champs électromagnétiques. Et comme Linky émet très faiblement, comme un tas d'autres appareils électriques, mais aussi des ondes électromagnétiques, ils se sont dit « Oh là là, c'est très dangereux ». Bon. En fait, les cardiologues disent « Le problème des plaques à induction, c'est que quand vous cuisinez, effectivement, vous êtes dessus, vous êtes tout prêt. Le compteur Linky, vous n'êtes jamais à quelques centimètres. » Ah, donc c'est très rassurant, c'est-à-dire qu'en fait, vous restez en vie tant que vous ne vous approchez pas de votre compteur électrique. Et puis, on s'est rendu compte que, alors là, c'est beaucoup plus étrange, qu'il y avait une caméra espion dans Linky ? Alors ça, ça fait aussi partie des rumeurs que les militants anti-Linky aiment beaucoup. C'est tout juste une petite diode qui signale que le compteur fonctionne, voilà. Oui, parce qu'on trouve beaucoup de rumeurs sur Internet, comme Linky a fait phosphorer les imaginations. On trouve par exemple ce message-là. Bonjour peuple français, aujourd'hui nous sommes le 14 décembre 2015. Anonymous fait appel à la révolte. L'heure est grave, EDF, entreprise d'électricité principale en France, veut imposer son nouveau compteur intelligent Linky. Ces compteurs dits intelligents émettent des ondes dangereuses pour la santé. Je rappelle que les radiofréquences émises par ce compteur injectent dans tous les appareils électriques provoquent des pannes, des incendies. Elles déclenchent ou aggravent les symptômes de l'électrohypersensibilité et classent potentiellement cancérigène. Le Linky permet à des opérateurs d'effacement privé d'atteindre à distance nos appareils électriques. Attendez-vous à de lourdes représailles venant du peuple. Bon, Anonymous ou pas, on ne tranchera pas à Elisabeth Chenet. Par contre, ce que l'on sait, c'est que là, le risque électromagnétique semble nul. Ben, si vous voulez, il y a eu quand même aujourd'hui un certain nombre d'études, et notamment celle de l'ANSES, l'Agence de sécurité française, qui prouve que certes, Linky émet des ondes, mais pas plus que les appareils électriques que nous avons chez nous depuis de longues années. Voilà. Donc ce problème des ondes électromagnétiques, c'est un faux problème aujourd'hui, en l'état actuel des connaissances, et ça fait vraiment partie des rumeurs comme celle des incendies, comme celle des atteintes à la vie privée, etc., que les anti-Linky aiment répandre, et finalement qui prennent relativement bien pour une raison simple. C'est que ce compteur Linky, personne ne l'a demandé, si vous voulez. On a tous un compteur, on n'y fait pas attention, on l'oublie, tout marche très bien. On vous dit, on va vous changer quelque chose qui fonctionne très bien. Et dans un cas sur quatre, d'après notre enquête, vous avez un problème à la suite de ce changement. Donc si vous voulez, effectivement, toutes les rumeurs arrivent là-dessus et ça peut prendre très vite. Et puis, j'ai réservé le meilleur pour la fin, Elisabeth Chenet. On nous a vendu, entre guillemets, ce compteur Linky en disant vous n'aurez plus à prendre rendez-vous. Ça peut être fastidieux de prendre rendez-vous avec la personne pour relever le compteur d'électricité. Ça se fera automatiquement. Eh bien non, ça ne se fait pas nécessairement. Automatiquement. Alors là, vous savez, on a été stupéfait par le chiffre. Près de 30% des répondants à notre enquête ont dit « Non, moi, c'est pas du tout envoyé automatiquement. Ou bien on me demande mon auto-relevé. Ou bien c'est même quelqu'un qui passe, un releveur en chair et en os, vous imaginez, avec ce compteur intelligent communiquant. C'est absolument sidérant. » Et là-dessus, Enedis répond « Eh bien oui, on pose les compteurs. » Tous les concentrateurs, c'est-à-dire auxquels ils doivent être reliés, ne sont pas posés, mais un jour ils communiqueront. Alors vraiment, on se fout du monde. Merci Elisabeth Chenet, journaliste à Que Choisir, de nous avoir présenté Linky, ce compteur intelligent un peu bête. Superfail a été foiré par Victoria Asper à la technique, Anaïs Isobaer à la préparation et Alex Fougeron à la réalisation. Superfail.